jamais partagé. Dire que j'ai le cœur brisé serait sans doute exagéré. L'orgueil a pris un coup ce soir, c'est vrai. J'ai mal dans la sphère du cou. J'ai peine dans la région de l'espoir, déplacer les au revoir. C'était fait. Tu avais ton manteau imperméable contre les vents, les temps variables. Plus besoin d'une chambre à l'abri. Garder dans ma tête la fenêtre, la tempête d'une petite chambre perchée. Des mains qui ne cherchaient que l'affection d'une nuit. Sache que cette image-là dans ma vie. Ce soir, tu prends ta route tranquille. Je crois même que tu ne penses qu'à la prochaine ville. Tu ne t'es même pas retourné, pas un regard dans le rétro. Ce bus de tourner. Durée.